Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marchite est vachement plus ordonnée que nous. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Everybody, tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet en direct de Blanquefort, c'est à côté de Bordeaux. Et nous sommes le 26 avril 2017 et c'est la saga numéro 334. Oui, en direct depuis Blanquefort. J'espère que tout va bien se passer pour vous. L'album de la semaine, c'est l'album New de Paul McCartney, qui est plus tellement new, puisque cet album est sorti en 2013, mais un nouvel album est en préparation, et pourquoi pas, d'ici à la fin de l'année, peut-être en début d'année prochaine. Ça fait un petit moment qu'il nous a laissé seul sans album, hein. Enfin bon, espérons que ça va bien se passer, et que ce sera très très bien. On écoutera New, Alligator, On My Way To Work, Save Us, I Can Bet, je l'ai rajouté parce que j'avais envie, j'adore cette chanson, Early Days, et Road pour terminer. Il y aura aussi du Lennon, du Harrison, du Star et les Beatles. Pour Lennon, Nobody Told Me. Pas la version que vous connaissez forcément, la version de l'anthologie sur l'album 4 qui s'appelle Dakota, sorti en 1998. Pour George Harrison, ce sera True Love sur l'excellent album 33 and One Third, sorti en 1976. Ringo Starr nous reviendra avec un It Don't Come Easy, le single de 1971. Single qui a été crédité seulement Ringo Starr, mais en fait, il y a eu un gros coup de patte de George Harrison en tant que producteur et en tant que co-écrivain de cette chanson-là. Et puis pour les Beatles, on va hurler le Twist and Shout de John Lennon et des Beatles sur l'album Please Please Me en 1963. Voilà le début du programme. Pour le reste, eh bien, restez et vous découvrirez. J'envoie le bonjour à tout le monde et notamment à Elon Silver qui doit être du côté des États-Unis et qui écoute à 14h la saga des femmes fortes. Hi Elon, je sais parce qu'elle m'a dit qu'elle écouterait. Et puis salut à vous tous et toutes évidemment qui écoutez en Belgique, en Franche-Comté, à Bordeaux, à Paris, en Espagne, au Japon, bref, partout. Attends tous et toutes vous citer. Vous venez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com dans le chapitre de La Saga des Fab Four, ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. Voici New, première chanson de l'album de la semaine sur R.I.G. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. What I could do, then we were new. You came along and made my life a song. One lucky day, you came along. Just in time, while I was searching for a ride, you came along, then we were new. As we choose, you see, there's no guarantee. We got nothing to lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. And we were new. d'album si attendu en 2013, New. Paul McCartney qui a repris le chemin des tournées, tant mieux. Il est au Japon, il fera un tour du côté des États-Unis et pour la France, pour l'instant, on ne sait pas, mais on espère bien qu'il viendra. La setlist, malheureusement, est un peu semblable aux autres. C'est pas lui qui fait vraiment des grands bouleversements, mais bon, il y a la magie qui marche toujours quand on le voit en concert. On lui pardonne tout et on est de toute façon là à s'époumoner, à chanter les chansons. Donc c'est toujours très très très bien. Voici John Lennon sur RIG. Okay. Personne m'a dit. One, two, three, four. Nobody told me. RIG 90.7, la saga des Fab Four. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, but no one really cares. There's Nancy's in the bathroom, just below the stairs. They're starving back in China, so finish what you got. Just gotta lay around. La saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. Oh, que je l'aime cette chanson et que j'aime cet album 33 and One Third sur R&G. Et le titre du morceau, c'est une chanson qui n'est pas créée par George Harrison, True Love, c'est une chanson de Cole Porter, mais quelle belle reprise façon George Harrison. C'est le The Lovely Side of George Harrison, bien entendu. C'est le côté amoureux, gentil, gay, tout va bien, on aime tout le monde et on aimait bien comme ça George. Auparavant, c'était John Lennon avec cette chanson. La chanson, c'était Nobody Told Me. Cette chanson, à l'origine, devait être pour l'album Stop and Smell the Roses de Ringo Starr en 1981. Mais après la mort de John, eh bien Ringo a décidé de ne pas reprendre cette chanson-là. Et Yoko, oui, j'ai dit Yoko, le sortira sur l'album suivant, l'album Milk and Honey, pour témoigner qu'il y avait cette chanson-là de prête. Voilà. Mais elle était destinée à Ringo à l'origine. Vous savez tout. Et puisqu'on a fait les trois, on a fait McCartney, Lennon, Harrison, voici Ringo Starr, maintenant, sur RG. It Don't Come Easy. And Love Ringo on R.I.G. Voilà. En tout cas, nous avons parlé des quatre, Paul McCartney, Lennon, Harrison et Starr. Donc, avant de parler des Beatles, nous allons dire quelques mots sur Lovely Rita. Lovely Rita, c'est celle qui est responsable du Beatles Magazine à Londres. Et grâce à ce Beatles Magazine, vous pouvez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George. Les tournées de Paul, il en fait actuellement au Japon, il en fera aux États-Unis dans quelques temps également. Les tournées de Ringo, qui lui est en Amérique du Sud, je crois, actuellement. De toute façon, vous pouvez le vérifier. Vous allez sur BeatlesMagazineUK.com, sur Facebook, sur Google, sur Twitter, et vous saurez absolument tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 366 jours par an si jamais c'est une année bissextile. Merci Beatles Magazine et merci Lovely Rita. On hurle, Twist and Shout sur RG.

Let's go. All the time sur RIG 90.7 avec il y a quelques instants All My Loving sur l'album With the Beatles en 63, puis 8 Days a Week en 64, quelle belle année, sur l'album For Sale. Et puis pour satisfaire tout le monde, c'est sorti en le 4 décembre 1964 sur l'album Beatles For Sale, mais aux États-Unis en 45 tours le 15 février 1965. Donc c'est à cheval entre 64 et 65. Très belles années, d'accord? Voilà. John a toujours affirmé que 8 Days a Week avait été composé par Paul pour servir de chanson au titre du film qui suivrait A Hard Day's Night, mais le metteur en scène Dick Lester, de son côté, affirme le contraire, soulignant le fait que 8 Days a Week avait été enregistré le 4 octobre 1964, alors que le tournage de Help ne commença que fin février 65. Il juge peu probable qu'il se soit intéressé à la musique d'un film aussi longtemps à l'avance. Dès le début, nous avions choisi Help comme titre de film, mais il y avait un problème de copyright parce que quelqu'un l'avait déposé, explique Dick Lester. Nous avons envisagé d'autres titres, nous avons un instant pensé l'appeler Beatles 2 ou alors Eight Arms to Hold You, mais ils poussèrent des cris à la seule idée d'avoir écrit une chanson qui s'appellerait Eight Arms to Hold You, 8 bras pour t'enlacer, jurant que c'était impossible. Alors, on s'est dit qu'on allait tenter le coup parce que la loi était très vague, et on a ajouté un point d'exclamation parce que l'autre n'en avait pas, et ça suffit pour avoir le copyright. Voilà, il y a dans le bouquin que j'ai, ils disent que l'expression 8 days a week, 8 jours par semaine, est due à Ringo, qui se plaignait du rythme effréné qui leur était imposé depuis le début de l'année. Paul l'a saisi au vol et décida de l'intégrer dans une chanson, de la même façon que John avait utilisé A Hard Day's Night du dit Ringo. Pour A Hard Day's Night, j'en suis sûr. Pour 8 Days a Week, j'avais cru entendre également que c'était un chauffeur de taxi qui avait dit ça à Paul, et Paul l'avait intégré dans une chanson. Alors, où est la vérité? Il faudrait le redemander à Paul. En tout cas, 8 Days a Week était la première chanson à utiliser le fading en intro plutôt qu'en conclusion, et fut considérée comme un 45 tours possible jusqu'à l'enregistrement de I Feel Fine. Elle sortit finalement en 45 tours aux États-Unis et grimpa évidemment en tête des charts. Encore les Beatles? Mais oui, avec cette chanson, A Hard Day's Night, on en a parlé il y a quelques secondes. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Cette intro reconnaissable, You Know I Feel Alright, les Beatles en 1964, quelle splendide année que 1964, je me demande si on a fait mieux après. Vous êtes bien sur RIG 90.7, merci de nous rejoindre sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, ou alors sur macaclub.com dans l'espace La Saga des Fab Four, ou même sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four, S-A-G-A-F-A-B-F-O-U-R, simple. Il suffit de le faire. En 2004, sortait l'album acoustique et cette version différente et très jolie de Working Class Hero sur RIG. I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try. Okay. Thank you.

to study history. She had removed her clothes for the likes of me. Clocking in, I could see everything, how it came to be. People come and go, smoking cigarettes. I pick their packets up when the people leave. But all the time I think of you, how far away the future seems. How could I so many dreams, and one of them not come true. On my way to work, lightly. You're moving too fast. Take your time, boy. Soon the pain will pass. In the meantime, you gotta find yourself a love that's gonna last. Lightly, things will work out fine, nice and easy. All it takes is time, please believe me. I wish this song was yours. But in the meantime, Nous sommes en 1973. Ringo a presque réuni les Beatles. Enfin, si, il les a réunis, mais pas toujours en même temps. C'est son album qui s'appelle Ringo, tout simplement. Un très, très bon album de Ringo. Et il y a eu, à un moment donné, Lennon, à un moment donné, Harrison. Et plus tard, Paul McCartney. Mais jamais les quatre dans la même pièce au même moment. Et cette chanson, Step Lightly, que je passe rarement, mais que j'ai tort de passer rarement, parce qu'elle est sympa. Elle est, bon, c'est pas sa meilleure, mais elle est plutôt bien. Voilà. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la saga des Fab Four, numéro 334. Aujourd'hui, on revient du côté des Beatles, avec ce titre, The Night Before, sur l'album Help, on en a parlé tout à l'heure, en 1965. It's been a long time, now I'm coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. We forget the tears we cried. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, delay. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you will wait for me. It's been a long time now, coming back home. I've been away now, oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you wait for me. But if your heart breaks, don't wait, turn me away. And if your heart's strong, hold on, I won't delay. bring back home. I've been away now. Oh, how I've been alone. Les Beatles ne semblent jamais avoir eu une grande affection pour Wait. Elle fut d'abord enregistrée pour Help en juin 65. Puis rejetée. Elle ne fut reprise qu'à la fin des séances d'enregistrement de Rubber Soul et uniquement parce qu'il manquait une chanson sur l'album. Composée par Paul et John, Wait est une chanson passe-partout au sujet d'un couple d'abord séparé, puis qui se reforme dans le plus grand bonheur. Moi je dirais que cette chanson-là, si elle est peut-être un chouïa un petit peu moins bien, faut quand même écouter au casque les harmonies vocales. Les harmonies vocales sont là et elles sont très très très bien. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles, c'est la saga des Fab Four, la numéro 334. Et voici George Harrison en 1970 et ce titre, Art of Dying, sur RIG. Together. L'auteur du bouquin que j'ai sur John Lennon, qui s'appelle « Les secrets de toutes ses chansons, l'intégrale Lennon », est un peu vache quand même avec John Lennon. Au sujet de « One Day at a Time » sur l'album « Mind Games » en 1973, voilà ce qu'il dit. « Le vide causé chez John par la perte de sa foi politique fit de la nature de son partenariat avec Yoko l'élément central de « Mind Games ». La dualité de leur relation est exprimée dès le début de cette chanson, lorsque John décrit Yoko comme étant à la fois sa faiblesse et sa force. Malheureusement, peut-être, c'est le côté faiblesse qui prédomine ici. Le titre, Un jour à la fois, est emprunt au langage des alcooliques repentis et trahit une dépendance malsaine de la part de John, sans que les paroles donnent la moindre indication qui laisserait supposer que ce sentiment est partagé. Les arrangements, eux aussi, avec leur ficelle un peu trop visible, nous rappellent que John n'était pas toujours au-dessus de la facilité qu'il était si prompt à critiquer chez Paul McCartney. En fait, One Day at a Time est un peu la description d'un Lennon fourvoyé. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, c'est pas la meilleure chanson de John Lennon, d'accord, mais c'est une chanson quand même plutôt sympa. On revient à l'album de la semaine, et ce titre qui a bien cartonné sur les ondes au moment de sa sortie, et en public aussi, en live, avec ce titre, Save Us, sur l'album New, sur RIG. On monte le son au maximum, c'est RIG 90.7, la radio des Beatles. Fais-nous encorder comme ça, Paul. On adore ce côté rock'n'roll de Paul McCartney. C'est bien. C'est très, très bien. Nous arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson interprétée par John, Paul, Ringo, George en solo ou en tant que Beatles que un artiste connu ou pas reprend. Même si ça pourrait être également les Beatles qui reprennent une chanson de Little Richard, par exemple. Ça devient la cover, qu'on écoute l'original ou celle qui a été chantée après. Voici une chanson dont l'original date de 1963. C'est même la première chanson sur l'album Please Please Me. Donc c'est I Saw Her Standing There et reprise plus tard par Little Richard. C'est la première fois, je crois, que je la passe. Never dance. We're the night. saga des Fab Four tous les mercredis de 20h à 22h sur erigfm.fr. Et c'est avec... Un petit coup. Non. Listen to me, we can give it a try. I'll look you straight in the eye and pull you to me. What I'm gonna do next, I'll leave entirely to your imagination. Do you hear me? If you don't understand, I'll take a hold of your hand and pull you near me. What I'm gonna do next, I'll leave entirely to your imagination. Que je vous offre sur l'album New, puisqu'en principe on passe une chanson de l'album de la semaine, toutes les 5 chansons, mais comme c'est avec Paul McCartney, j'ai toujours envie de vous en offrir un petit peu plus. D'ailleurs, je vais vous en offrir un petit peu plus, mais du temps des Beatles. Deux Beatles coming up, voici Got to Get You Into My Life et la chanson que je n'avais pas pu passer la semaine dernière faute de temps, Penny Lane, à suivre sur RIG. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, did I suddenly see you? Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together. Got to get you into my life. can I do? What can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Une rue de Liverpool, mais c'est surtout le nom du quartier qui entoure le carrefour qu'elle forme avec Smith Down Road. Aucun des endroits cités dans la chanson ne se trouve d'ailleurs sur la rue elle-même. Penny Lane n'est en fait qu'une, pour toute personne qui n'a pas grandi dans ce quartier de Liverpool, qu'une terne artère commerciale banlieusarde, pour emprunter les mots du musicien de jazz et critique d'art George Milley. Mais pour Paul et John, qui passèrent leur jeunesse dans ce quartier, c'est le symbole de la merveilleuse innocence de l'enfance, quand tous les visages semblaient amicaux et que le soleil brillait éternellement dans le ciel toujours bleu. John avait été le premier à faire allusion à Penny Lane quand il avait essayé de l'incorporer à In My Life, mais c'est Paul qui a finalement su en faire une chanson. Il a créé une scène de rue de Liverpool qui pourrait être tirée d'un livre pour enfants avec une jolie nurse, un coiffeur affable, un banquier excentrique, un pompier patriotique et quelques passants bienveillants. C'est en partie la vérité, admet-il, et en partie de la nostalgie. Aujourd'hui, Penny Lane est devenue le point de passage obligé de toute visite à Liverpool. Mais le succès de la chanson est à l'origine de nombreux changements. Toutes les plaques de rue ont été volées et celles qui les ont remplacées ont été particulièrement bien fixées et placées haut. Le salon de coiffure pour hommes est devenu un salon unisexe avec une photo des Beatles dans la vitrine. L'abri sur le rond-point a été rénové et transformé en Sgt Pepper's Bistro. Les paroles de la chanson sont inscrites au-dessus de la vitrine du Penny Lane Wine Bar. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette excellente chanson. Et on retrouve encore Paul McCartney avec l'album de la semaine. L'album c'est New, sorti en 2013, et cette chanson, Early Days, sur RIG. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. Come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Now every how they can remember when they weren't, where it was at. And they can take it from me if they try. 'Cause I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. I lived through. Paul McCartney qui se rappelle de ses jeunes années, c'est la traduction française de early days, même si ce sont les jours plus tôt, quoi. En traduction littérale, c'est les jeunes années. Ce que j'aime dans la chanson, c'est qu'il dit tout le monde semble savoir qui a fait quoi, mais moi j'y étais, donc il pourrait me le demander en fait. C'est vrai. On ne sait pas trop forcément qui a fait quoi. Quoique, ils l'ont dit qui a fait quoi. Allez, on lui posera la question à Paul McCartney. Voici John Lennon, une très très belle chanson. Peut-être la meilleure qu'il ait réussi à faire en 40 ans de vie. Imagine. Et qu'est-ce qu'on en a besoin maintenant de cette chanson ? Imagine, en 1971, sur l'album éponyme, l'album qui s'appelle Imagine. I need a fix, 'cause I'm going down, back to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down,

take me back? Can you take me where I came from? Une chanson de John, Cry Baby Cry, et un petit bout d'une chanson d'une esquisse, de Paul, Can You Take Me Back? Cry Baby Cry en 68, alors que Hunter Davis terminait sa biographie des Beatles, John lui dit, j'ai encore une chanson dans la tête, quelques mots, je crois qu'ils viennent d'une publicité. Cry Baby Cry, make your mother buy. Pleure mon enfant, pleure, pour que ta mère te l'achète. Je l'ai déjà joué au piano, mais je l'ai oublié. Ça reviendra si j'en ai besoin. Ces paroles lui revinrent effectivement alors qu'il se trouvait en Inde. Et Donovan se souvient de l'avoir vu au travail sur cette chanson. Je crois qu'une partie de l'imagerie de Cry Baby Cry a été inspirée par certaines de mes chansons, dit-il, que je concevais comme des contes. Nous étions très proches à l'époque et les styles musicaux s'interpénètrent facilement. Cry Baby Cry est en partie fondé sur une comptine anglaise, Sing a Song of Sixpence. John a inventé la duchesse de Kirkcaldy et le roi de Marygold. Kirkcaldy est une ville de la région de Fife, en Écosse orientale. Les Beatles y donnèrent un concert en 1963. Vous savez tout. Voici une chanson de Ringo que je passe très rarement puisqu'elle est sur un mauvais album. L'album s'appelle The Fourth. C'est sorti en 1977. C'est très très daté, cet album-là, mais cette chanson-là est plutôt jolie. It's No Secret sur RG. Sympa, hein? Ringo Starr en 1977. Comme quoi, même quand un album n'est pas très très bon, on arrive toujours chez les quatre à trouver de très belles chansons. It's No Secret, Ringo Starr en 1977. On revient en 2013, l'album New et ce titre, Road sur RIG. Paul McCartney, forcément. RIG 90.7, la radio des Beatles. We came from nowhere, hiding from a storm. We came to what I was, how it really is a shame. The thoughts in the heads manifest on the brow like bad scars from ill feeling. They themselves arouse. So la machine à bubble, vous allez vous entendre dans quelques instants. It is he, J. Sri Krishna, ça fait boudou boudou boudou boudou boudou. Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Sri Radhe. Merci George Harrison. Je ne suis pas trop fan des trucs à la Krishna, mais là, quand il y a des blou dedans, c'est plutôt sympa. Il nous reste deux chansons à passer avant de passer la main. Donc voici The Long and Winding Road, version Give My Regards to Broad Street, avec ce superbe solo. Écoutez, dos au saxo. C'est Eric qui va vous rejoindre et je sais qu'avec Eric, ce sera une beautiful night. c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de La Saga des Fab Four. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je sais que dans quelques instants, ça va être bien, voire même très bien, voire même merveilleux, puisque c'est Eric qui prend les rênes jusqu'à minuit passé avec sa fantastique émission Johnny de A à Z. Bisous aux filles, poignez-moi aux garçons. À très très bientôt. Ciao.